Nouvelle en français, volume 1, Voix de l'Amérique, chapitre 3. Ben Affleck plaide pour la poursuite des réformes en RDC. 27 février 2014. L'acteur et réalisateur Ben Affleck a appelé mercredi le président Barack Obama à dialoguer directement avec le président Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, RDC, pour l'encourager à tenir ses engagements en faveur des réformes de la sécurité. L'acteur et activiste a comparu devant le Comité des relations étrangères du Sénat pour témoigner, aux côtés de Russell Feingold, l'émissaire spécial américain pour la région des Grands Lacs et le Congo, et Roger Miss, ancien ambassadeur des États-Unis au Congo. Cette audition a eu lieu 3 mois après que le M23, un groupe rebelle basé dans l'est de la RDC, eut annoncé qu'il mettait fin à sa soulèvement contre le gouvernement de Kinshasa, sans le leadership audacieux du Congrès des États-Unis. En collaboration avec l'administration Obama, le Congo n'en serait pas à ce point tournant important, a déclaré M. Affleck, l'acteur, qui est également le fondateur de l'Initiative pour le Congo Oriental, Eastern Congo Initiative, une ONG opérant au Congo, a exhorté l'administration Obama à jouer un rôle plus important dans l'avenir de la RDC. « Je suis également ici aujourd'hui avec un message urgent. Notre travail en RDC n'est pas terminé », a déclaré Ben Affleck. « On ne saurait risquer une diminution du leadership américain, alors même qu'apostrophe une paix durable et la stabilité sont à portée de main. » Le sénateur John McCain a jugé l'intervention de M. Affleck « crédible et remarquable ». « Votre crédibilité est vraiment remarquable en raison de l'ampleur de votre engagement », a déclaré M. McCain. L'acteur a visité le Congo à au moins 9 reprises, et s'est dit inspiré par les témoignages des femmes et des enfants. Les gens souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et de leur dignité personnelle, a expliqué M. Affleck. Hollande veut éviter toute tentation de partition de la Centrafrique. Le président français est en visite ce vendredi à Bangui, 28 février 2014, de retour de son déplacement au Nigeria. François Hollande a atterri ce vendredi à Bangui pour une visite de quelques heures. C'est l'occasion pour le chef de l'État français de rencontrer les autorités politiques et religieuses centrafricaines, s'exprimant devant les troupes de la force Sangarise. M. Hollande a expliqué que la mission était d'éviter toute tentation de partition de la Centrafrique. Les derniers renforts français sont enfin arrivés dans la capitale centrafricaine, ce qui porte à 2000 leur nombre dans le pays. M. Hollande a ensuite eu un entretien avec la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Il rencontre en ce moment les autorités religieuses du pays. L'intégration des pays de la CEMAC, toujours un rêve plutôt qu'une réalité. 28 février 2014. L'Afrique centrale reste l'une des régions les plus pauvres du monde. 70% de la population vivant avec moins d'un dollar par jour et 30% des habitants souffrant de la faim. Les efforts visant à améliorer les conditions de vie n'ont pas connu beaucoup de succès au cours des 20 dernières années. Le constat est là, selon les experts. La Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, qui regroupe 6 pays, n'a pas accompli grand-chose depuis qu'elle a vu le jour en 1994. Le Camerounais Paul Tassongenjoukang, commissaire à la commission de la CEMAC, explique que le manque de volonté politique en faveur d'une véritable intégration est à l'origine de la mauvaise performance de la région. « Nous avons plusieurs lacunes, n'oubliez pas que quand on parle d'intégration, c'est une question de compromis entre la souveraineté et les préoccupations régionales. C'est là où le plus grand défi persiste. Comment faire en sorte que les différents pays renoncent à un peu de leur souveraineté ? L'Afrique centrale est la sous-région la moins performante en termes de croissance économique et, paradoxalement, la plus nantie en termes de ressources naturelles, explique M. Tassongenjou Kang. Alors que la CEMAC regroupe le Gabon, Cameroun, Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine, RCA, son taux de croissance économique n'était que de 2,2% en 2013, soit 50% de moins que prévu. Autre problème, selon M. Tassongenjou Kang, la mauvaise allocation des ressources de développement telles que des projets d'infrastructure qui ne sont pas rentables. Si vous regardez ce que le gouvernement du Cameroun est en train d'investir pour construire un port en eau profonde et si l'on se dit que tous les pays qui ont un front de mer dans la sous-région veulent limiter, cela vous donne une idée du gaspillage, affirme M. Tassong. Il serait beaucoup plus rentable pour tous les pays de partager les infrastructures, ajoute le responsable de la CEMAC. À preuve également le fait qu'en dépit de l'élaboration de nombreux projets régionaux, création d'une ligne aérienne, d'une place boursière, d'un système de passeport biométrique qui aurait dû être opérationnel en janvier 2014, rien de tout cela n'a vu le jour. Rapport sur les droits humains, Kerry fustige la torture en Syrie, 28 février 2014. De nombreux pays du monde renforcent leur contrôle de la liberté d'expression et ont recours à des lois répressives pour dénier à leurs citoyens des droits humains universels. Tel est le constat établi par le rapport 2014 du Département d'État américain sur les droits fondamentaux dans le monde. En présentant le rapport jeudi, le secrétaire d'État, John Kerry, a dit que plusieurs gouvernements se livrent à la répression politique en utilisant les nouvelles technologies pour contrôler les dissidents. Le rapport du Département d'État accuse la Syrie de recourir à un usage systématique et étendu de la torture, de s'être livré à des massacres, et d'avoir déplacé et affamé de nombreuses personnes durant les près de 3 ans de conflit. Le document affirme qu'en Chine, la répression des organisations de la société civile et des droits humains est monnaie courante. Il note que Cuba a levé de nombreuses restrictions au voyage de ses ressortissants, mais que l'île a refusé de délivrer des passeports à certains opposants, ou les a harcelés à leur retour de l'étranger. Nous nous joignons à de nombreuses autres nations pour réaffirmer notre engagement à œuvrer pour un monde où dire ce qu'on pense n'aboutit pas à un procès, et où exprimer son amour ne vous fait pas traduire en justice, un monde où pratiquer une religion ou en changer n'aboutit pas à un procès, a déclaré M. Kerry. 80 gouvernements ont adopté des lois criminalisant l'homosexualité, a-t-il dit, ajoutant que les pays qui se rendent coupables d'abus des droits humains et refusent d'en punir les auteurs agissent contre leurs propres intérêts et ceux des États-Unis. M. Kerry a concédé que bilan des droits de l'homme aux États-Unis, où l'esclavage était légal dans les années 1800, n'est pas parfait, mais que son pays n'est pas moins engagé pour le progrès de la dignité humaine. Ainsi donc, les États-Unis d'Amérique continueront de s'exprimer, sans trace d'arrogance ou d'excuse, en faveur des personnes demandant le respect de leurs droits universels, et nous nous lèverons, dans bien des cas, pour ceux qui sont privés de l'opportunité de se lever eux-mêmes, a déclaré le chef de la diplomatie américaine. Par ailleurs, la Chine a vivement critiqué le rapport qui n'était pas tendre pour Beijing, et a publié sa propre étude sur la question, qui documente des allégations de violation des droits humains aux États-Unis. Le rapport américain dénonçait toute une série de pratiques du gouvernement chinois, dont la répression des détracteurs du gouvernement, les mauvais traitements des minorités ethniques et la censure de l'Internet. La Chine a riposté en faisant valoir que les États-Unis ont soigneusement caché et évité de traiter leurs propres problèmes de droits humains. Plus précisément, elle a mentionné la mort de civils durant les frappes de drones à l'étranger, la violence armée aux États-Unis et l'ampleur du chômage. Alassane Ouattara de retour dimanche à Abidjan. Alassane Ouattara a subi en France avec succès une opération de l'Asiatique, selon la présidence ivoirienne. 27 février 2014, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, n'était plus apparu en public depuis presque un mois. Il a été vu jeudi sur la télévision nationale ivoirienne, RTI. Depuis les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, il a annoncé son retour au pays. « Je vais rentrer au pays, et je rentrerai ce dimanche de mars », a lancé le président ivoirien. Cette annonce va-t-elle couper court aux rumeurs sur son état de santé? Pas si sûr. D'abord, nous sommes heureux que le chef de l'État se présente au public, déclare Didier Despris, secrétaire général de la rédaction de Notre Voix, un quotidien proche de l'ancien pouvoir. Selon lui, le chef de l'État n'est pas forcément au mieux de sa forme. On a constaté que le chef de l'État était très amaigri et avait les traits tirés. Il avait une canne, dans le camp du pouvoir, on se veut rassurant. Toutes les rumeurs sont terminées, soutient Joël Nguessan, le porte-parole du RDR. Le parti au pouvoir, il ajoute que « le président se porte très bien, vous l'avez vu. Il a même maigri, ce qui nous plaît parce qu'il est tout beau.